existe un pays où l'amour nourrit la vie et toute la mort se rejette par toute la beauté de son être. Elle fait vivre ce monde où l'amour gît chaque seconde et toute la et t'apporter plein de promesses pour s'ajouter.